Mes amis, vous le savez, c'est aujourd'hui la sortie en salle des nouveautés cinéma. Bon ben, comme d'hab, hein, de la merde sur pellicule. Alors moi, j'ai décidé de vous parler d'un film qui est en projection, chez moi, tous les mercredis soirs à 21h. C'est une kleine petite production indépendante qui aborde, sans complaisance, les problèmes de l'amour chez les pauvres. Vous avez de la chance, j'ai la bande-annonce avec moi. Chouette. L'amour, la passion, la fusion... Tout le monde y a droit, mais sommes-nous tous égaux en matière d'intimité et de propension à la séduction? Des questions auxquelles essaye de répondre Coitismic, le film événement qui ose parler du rude chez les prolétaires et de l'améliorer avec un coach. Allez-y Marcel, faites part de vos envies à votre épouse. Corinne, j'ai envie de te grimper. Stop! Marcel, ce n'est pas parce que vous êtes un individu sans ressources, sans éducation et accablé de fatigue et de dettes qu'il faut pour autant négliger l'approche romanesque. N'est-ce pas, Corinne? Ben ouais. Allez, Marcel, faites un effort. Corinne, tu veux faire un câlin à poil? Bien, Marcel, c'est beaucoup mieux. Allez, Corinne, répondez à l'appel du mal. Ah ben oui, je veux bien, mais il y a des enfants. Alors là, je dis stop, je dis halte, je dis danger. Ce n'est pas parce que vous avez 6 enfants qui vivent avec vous dans la pièce unique de votre appartement que vous devez pour autant enterrer votre libido. Allez les enfants, on se retourne vers moi, je vais raconter une histoire, pendant que papa et maman vont jouer tout nu. Bon Corinne, vous enlevez vos bigoudis et Marcel vous éteignez votre cigarette. Voilà, hein? Non, c'est pas grave, vous pouvez garder les chaussettes. Alors, est-ce que Corinne et Marcel vont retrouver la flamme? Est-ce que le bonheur va à nouveau habiter le foyer et faire oublier la mouise quotidienne? Vous le saurez en allant voir Coitismic, une production du chat qui fait du kung-fu. Et voilà mon Christophe, ouais, un joli film réalité, une tranche de vie qui nous fait voir que notre perspective, un peu plus loin plutôt que notre perspective nasale. Ah, rendez-vous chez moi ce soir pour les vrais amateurs de cinéma. Au revoir.